oblige les humains à vivre des expériences similaires, et c'est pourquoi l'humain ou l'humanité est régi par une évolution collective. Seul l'humain qui vivra une réincarnation d'identité, une réincarnation intrinsèque, une réincarnation non pluralitaire, pourra vivre dans une conscience individuelle. Alors, ça ne sert à rien d'aller chercher l'humain qui est collectif et lui parler de conscience individuelle, de le forcer à devenir individuel dans sa conscience. Lorsque l'on parle d'individualisation de conscience, on ne dirige pas ceux qui sont collectifs. On essaie de faire en sorte de connaître, d'attirer, de pouvoir connaître, de rencontrer ceux qui sont individuels. L'humain qui s'approche de la conscience individuelle est un humain qui s'approche de la réincarnation telle que l'ego de l'humain a toujours voulu la voir. Tant que l'humain est collectif, il se réincarne collectivement, pluralitairement. Lorsque l'humain devient individuel, à sa mort, lorsqu'il va se réincarner, il se rappellera de ses vies antérieures et il sera le même qu'à la mort. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Maintenant, vu que l'heure est terminée, je crois qu'on va faire peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant de répondre aux questions, parce que c'est loin d'être terminé, les mécanismes de réincarnation. Et tu auras des questions. Plus ça va aller, moins il y aura d'humains. Et moins il y aura d'humains, plus les humains se réincarneront d'une façon individuelle, se rappelant de leur vie antérieure. La conscience collective, elle a commencé sa dégradation, donc sa fin. Et ça, on peut le constater par le fait même qu'il y a une tendance à avoir de moins en moins de naissances à l'échelle de la planète. Les moyens de contraception maintenant pullulent partout sur la planète. On pénalise dans certains pays les individus qui ont plus de 2 enfants. On ne souhaite plus dans la majorité des cas, dans la majorité des pays, que les couples donnent naissance à des enfants. Dans les endroits les plus évolués planétairement, où la conscience est la plus haute, d'instinct, les adultes ne veulent pas avoir d'enfants. Si on regarde les jeunes du Québec, la majorité adore les enfants, mais n'en veulent pas. Et c'est tout à fait normal pour la simple raison que l'humanité, maintenant, à un apogée en milliards d'individus, va commencer à vivre par le contact avec intelligence spontanée, par le contact avec énergie supramentale, une conscientisation individuelle d'évolution, ce qui automatiquement va commencer à permettre la réincarnation individuelle. Ce qui va donner à l'humain la possibilité de comprendre l'intelligence de l'évolution. Alors, il n'aura plus besoin d'être pluralisé dans l'esprit, dans des centaines de milliers de corps, pour pouvoir expérimenter plus rapidement des choses. J'ai dit, il y a longtemps, que plusieurs religions enseignaient que l'humain avait des frères et des sœurs en esprit. Et c'est un fait. Lorsque l'une des parties de l'esprit se pluralise dans des millions d'individus, ces individus sont tous la même chose. Et la réincarnation pluralitaire fait en sorte que toute l'expérience accumulée dans ces millions d'individus est générée ou énergisée par le même esprit. Eux vont tous appeler ça leur Dieu. Alors, on a plusieurs dieux. Et c'est normal. Et c'est parfait. Et on ne peut pas dire à un chrétien que Dieu, c'est Krishna. Et on ne peut pas dire à un krishnaïen que Dieu, c'est Jésus. Ou Dieu, c'est Dieu. On ne peut pas. Que ce soit Yahvé, que ce soit ce que vous voudrez, on ne peut pas. Parce que ce n'est pas vrai. Pour certains individus, l'esprit qui les anime peut porter un nom. Pour d'autres individus, l'esprit qui les anime est une autre forme d'esprit, qui, dans l'intelligence supramentale, s'unissent, mais qui, présentement, à l'échelle de l'évolution planétaire, sont divisés. Alors, ce qui fait que les individus en frères et en sœurs doivent mourir pour se retrouver dans le monde des morts, de façon à ce qu'à un moment donné, ils se réincarnent non plus dans 1 million, mais dans 100 000. Alors, il y a moins de frères et moins de sœurs parce qu'ils se réunissent. Et jusqu'à un moment donné où il y aura un corps, un esprit. Lorsque l'esprit descend, il descend. Lorsque l'esprit descend dans le monde des morts, et ça, c'est commencé aujourd'hui dans plusieurs individus, lorsque l'esprit descend dans le monde des morts, il accumule des mémoires, il crée une âme et il constitue un être humain. Lorsque l'être humain de son vivant est capable de transmuer son âme en double éthérique, c'est-à-dire lorsque l'être humain de son vivant est capable de créer un double de ce qui lui est propre, alors automatiquement, lorsque l'humain va mourir, il ne sera plus attiré par le monde des morts, alors il ne mourra plus. Dernièrement, je faisais une conférence qui parlait justement de la survie après la mort. Le corps physique mourra, mais l'être humain ne mourra pas. Il n'ira plus dans le monde des morts, donc il n'ira plus dans le ciel, ne passera plus par la force purgatorielle. Il se dirigera vers son double éthérique, ce qui automatiquement lui permettra, lors de sa réincarnation, de retraverser le monde des morts, retraversant le monde des morts consciemment. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'humains qui l'ont fait. Celui qui est le plus connu, c'est le Nazaréen. Lorsqu'il s'est fait chair, c'est-à-dire lorsqu'il est revenu avec sa conscience dans le monde de l'homme, il a traversé le plan du monde des morts, et je ne parlerai pas de lui, je vais parler des prochains qui vont le faire. L'esprit retraversant le monde des morts, conscient, parce que celui qui a un double éthérique, celui qui survit à la mort, doit se réincarner si son double éthérique n'est pas parfaitement constitué. Donc, automatiquement, il doit revenir, et pour revenir, il doit se rapprocher du plan planétaire, donc il doit retraverser le ciel. Il retraverse le monde des morts, et en traversant le monde des morts, il va agglomérer à lui tous les individus morts qui ont été énergisés par le même esprit que lui. De ce fait, retraversant, il supportera sur ses épaules une grosse partie du monde des morts. Il va prendre naissance dans un corps physique et il va vivre. De son vivant, il va accumuler l'expérience de tous ceux qui sont régis par le même esprit, mais qui sont vivants. Et lorsque l'enfant de zéro a sa mort, donc toute la vie de cet être humain qui se réincarne sachant qui il est, toute sa vie, il devra supporter le poids d'une grande partie des misères de l'humanité, c'est-à-dire que tous les humains qui, pendant sa vie, meurent et qui sont régis par le même esprit, ces humains ne vont pas dans le monde des morts, mais sont instantanément accumulés dans cette personne. Alors, il va supporter une partie du poids de l'humanité pour la simple raison qu'il va être capable d'accepter instantanément de son vivant le karma, donc la mémoire de ceux qui meurent et qui sont en affinité avec lui. Lorsqu'il aura réussi, lorsque de sa vie il aura accumulé tous ceux qui seront morts, lorsqu'il aura une plénipotentialité totale de son esprit dans son corps, il ne pourra pas quitter le monde de la vie sans retourner dans le monde des morts. Alors l'être humain qui, traversant le monde des morts, accumule à lui, fusionne à lui tous ceux qui doivent être fusionnés à lui, lorsqu'il est vivant, lorsque ceux qui sont vivants et qui n'étaient pas dans le monde des morts lorsque lui s'est réincarné, lorsque ces personnages meurent, ils ne vont plus dans le monde des morts, ils sont sauvés, si on peut dire, par ce bonhomme. C'est ce que le Nazaréen a fait pour ceux qui étaient reliés à son esprit, et pas pour les autres. Et c'est pourquoi vous êtes là. Vous n'étiez pas relié à l'esprit du Nazaréen. Automatiquement, le Nazaréen vit, et au fur et à mesure qu'il vit, il doit assumer. Et je vais vous montrer des exemples de ce que certains d'entre vous commencent à vivre, parce qu'ils assument le poids de ceux qui meurent, parce qu'ils les sauvent. Lorsque le Nazaréen ou lorsque l'homme nouveau est rendu à un point où il peut maintenant, où tous ceux qui sont vivants du même esprit que lui sont morts, de vieillesse, de maladie, de guerre, de ce que vous voudrez, lorsqu'il les a tous accumulés, il doit maintenant aller chercher ceux qu'il n'a pas pu aller chercher le temps de son enfance. Parce que là, il devait apprendre à animer ce corps physique et à l'obliger à accepter un esprit. Il devait transformer un corps physique de façon à ce qu'il ne soit pas détruit par la présence de l'esprit. Lorsque l'homme nouveau est rendu à un point où il peut maintenant, où il n'y a plus d'êtres vivants qui sont frères ou sœurs en esprit avec lui, il doit pénétrer le monde des morts pour aller chercher ceux qui sont morts le temps que lui vive son enfance. Une fois qu'il a été dans le monde des morts chercher les derniers vestiges de l'expression du même esprit, il revient vivant, constitue un double éthérique, un double lumineux. Il n'a plus besoin de corps physique et il quitte l'évolution expansive de notre univers. Lorsque le Nazaréen est apparu sur le plan planétaire, de 0 à 12 ans, il vivait comme un enfant normal, sauf qu'il avait une conscience protectrice intelligente. À 12 ans, il a décidé de s'occuper des affaires de son père, donc à 12 ans, il pouvait maintenant commencer à absorber les morts de son esprit, les individus frères et sœurs de lui-même qui mouraient. De 0 à 12 ans, il ne pouvait le faire, donc ceux qui sont morts pendant le 0 à 12 ans ont pénétré le monde des morts. Et le Nazaréen a été crucifié pour pouvoir aller dans le monde des morts chercher ceux qu'il n'avait pu connaître de 0 à 12 ans. Il est revenu à la vie sans corps physique. Il a désintégré son corps physique en dedans de quelques heures et c'est pourquoi on ne l'a pas trouvé dans le tombeau. Et il avait un double lumineux et c'est ce double qui est apparu devant les apôtres par la suite. Et par la suite, le Nazaréen n'est pas revenu, c'est-à-dire que la conscience christique, l'énergie supramentale, revient. Mais la corporalité personnalisée, identifiée du Nazaréen ne revient pas. Et même si l'humain s'attend à un retour d'un Christ tel qu'il a été personnifié au cours des âges, il se trompe. Et là-dessus, j'ai suffisamment élaboré lors de la conférence Le Retour du Christ. Donc, il y a une réincarnation pluralitaire qui permet aux humains de se retrouver et de finaliser leur évolution dans un corps. 144 000 approximativement, évidemment, un peu plus, 144 000 approximativement de pluralisation de formes de l'intelligence supramentale seront nécessaires à la continuité de l'évolution expérientielle sur le contexte de notre Terre. Présentement, on approche des 5 milliards, 400 milliards, près de 900 quelques millions. On approche des 5 milliards. Mais il faut comprendre que l'humanité procréait d'une façon exponentielle, d'une façon de plus en plus rapide, et la procréation de l'humain est maintenant extrêmement réduite. Et dans certaines régions de la Terre, on en est rendu à avoir une procréation qui met en danger socialement la race. Si on regarde au Québec, on n'a plus suffisamment de naissances. Si on regarde dans beaucoup de pays qui ont justement une évolution individuelle dans la conscience, ceux qui ont une tendance à avoir une conscience individuelle, il y a de moins en moins de naissances. Et c'est normal, parce qu'à un moment donné, il y aura de moins en moins de naissances à l'échelle de la planète. Le fait que l'être humain vive plus longtemps est un mécanisme égoïque qui l'empêche de vouloir mourir, parce qu'il ne comprend pas l'intelligence de la mort. Donc, moins vous avez d'ego, plus vous créez un double éthérique. Plus vous créez un double éthérique, plus vous avez une conscience individualisée. Lorsque l'humain a une conscience individualisée, il n'a peut-être pas encore à sa mort un double éthérique parfaitement constitué, donc il devra revenir, mais il aura une réincarnation individuelle. S'il constitue parfaitement son double éthérique dans cette vie-ci, il va, dans cette vie-ci, être capable d'absorber le monde des morts, le monde des vivants, et il n'aura peut-être pas la nécessité de pénétrer le monde des morts comme le Christ l'a fait, parce qu'il aura plus de puissance que le Christ l'a eu. Vous bien comprendre qu'à l'époque du Nazaréen, la puissance que celui-ci avait est inférieure à la puissance que certains auront d'ici peu. Même si le Nazaréen l'a dit, ça n'empêche pas l'homme ancien qui croit au Nazaréen de refuser qu'à un moment donné, une espèce d'humain, une race d'hommes, se dresse et une race qui aura plus de puissance que celle du Nazaréen. Et c'est ce qui s'en vient. Donc, la réincarnation, elle est pluralitaire présentement pour la majorité des humains. Elle sera de plus en plus individualisée au fur et à mesure qu'il y aura de moins en moins d'humains. Bon, les questions. Alors, les questions concernent les 144 000 élus. Est-ce qu'il faut devenir un non collectif pour être élu? Et ensuite, qu'advient-il des 144 000 élus? Sont-ils fusionnés pour former un dieu ou quelque chose de semblable? Bon, quand on parle d'élu, le terme élu fait référence à une terminologie de traduction qui n'est pas tout à fait appropriée. On parle d'une sixième race mère, pour être précis. Alors, on parle donc d'une race neuronique, une race neurologique, une race intelligente. Alors, il n'y a pas d'élection. On parle d'une race qui, génétiquement, va engendrer cela. Moins il y a d'enfants, plus ceux qui naissent ont de possibilités d'être intelligents. Et ce n'est pas nécessairement par rapport au milieu, à l'éducation, à la chance qu'ils ont. C'est un phénomène génétique d'évolution. Alors, ne vous en faites pas, vous êtes tous des élus. Maintenant, une chose est très importante, c'est que même si vous ne mourrez pas et que vous devenez un élu, vous ne le saurez pas. Vous ne pourrez pas le savoir pour la simple raison que pour faire partie de ce que l'antique religion appelle l'élu, vous devez ne plus avoir d'ego. Si vous n'avez plus d'ego, vous n'avez plus d'orgueil. Et si vous n'avez plus d'orgueil, vous ne vous identifiez plus à ce que vous êtes, parce que vous vous foutez de ce que vous êtes. Qu'advient-il des 144 000 élus seront-ils fusionnés pour former un dieu ou quoi? La divinité est là d'importance que par rapport à l'absurdité. L'humain inférieur a besoin d'un dieu. Mais est-ce que Dieu se dit « je suis Dieu » Non. Le fait de ne pas avoir d'ego, le fait de ne pas avoir d'orgueil, le fait de ne pas être quoi que ce soit, fait que l'humain ne sera pas ce que nous vous connaissez ou ce que l'humanité connaît comme Dieu. Ce qui va se passer avec les 144 000 élus, ne regarde pas présentement l'humain à l'échelle de la planète. Autrement dit, ce n'est pas une question qui peut être utile si elle est répondue. Une question qui est intéressante, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourra faire une conférence là-dessus, mais encore là, moi, si on en fait une, c'est sans doute pas moi qui va la faire. Pour la simple raison que ce n'est pas utile de savoir ce qui va se passer avec les 144 000 élus. Pour la simple raison que ça regarde des temps pas mal plus loin. ça regarde, c'est dans quelques décennies, c'est pas dans quelques centenaires, que cela va se concrétiser complètement. Et présentement, celui qui pose la question est un égo. Un égo qui ne vivra jamais la sixième race, racine. Qu'est-ce qui va se passer avec, autrement dit, ne vous regarde pas, même si vous allez en faire partie. Autrement dit, c'est que l'enfant nouveau-né dit, qu'est-ce que ça va être quand je vais être vieux? Commence par être enfant, adolescent, adulte, etc., etc., etc., et puis tu seras bien en temps et lieu. Ça sert à rien d'en parler. Alors donc, on passe par-dessus la question. Qu'est-ce qui se produit avec l'enveloppe de l'âme? Se désagrège-t-elle à la mort pour retrouver le plan vital? Oui. Qu'arrive-t-il à l'homme qui qui absorbe de son vivant le karma de ses frères et sœurs qui décèdent? Comment ça se passe? Bon, regardez bien ceci. La majorité d'entre vous, vous vous conscientisez. Donc, vous arrivez à avoir un degré de conscience qui vous permet d'englober des mécanismes, soit qui font peur aux autres, ou qui ne sont pas englobables par les autres, ou qui sont exclus des autres, par les autres. À un moment donné, l'être humain qui se conscientise monte, ça va mieux, comprend, n'a plus peur, souffre un peu moins, et soudain, on dirait que ça recommence. Ça recommence, pourquoi? Parce qu'il vient d'assimiler 1, 2, 3, 4 entités astrales évolutives qui sont reliées à sa propre expérience d'évolution de l'esprit. Alors, il subit un down, donc il se reterrestrifie. Et là, il doit recommencer la lutte, le travail. Et puis là, ça marche. Et à un moment donné, pouf, on dirait que ça va plus encore une fois. Et plus l'humain est dans une conscience individuelle, plus il sera affecté par cette terrestrification continuelle. Lorsque l'humain commence, il peut absorber un individu. On sauve du temps. Un autre humain, et les deux sont frères et sœurs, sauf que celui-ci absorbe quelques individus, celui-ci absorbe quelques individus, et les deux mourront pour se fusionner dans le monde des morts. Mais plus l'humain est individuel, plus l'humain est capable d'absorber des masses d'individus. Il n'a pas encore le privilège d'aller absorber ceux du monde des morts, mais il absorbe ceux qui meurent. Et ceux qui meurent ne vivent pas le monde des morts. Donc, ne meurt pas de la deuxième mort comme on la connaît. Et il ne constitue pas non plus de double éthérique. Il meurt et il se réincarne dans une individualité. On a connu des mécanismes de possession dans l'Antiquité où une personne morte essayait de pénétrer un autre, un frère ou une sœur, en esprit. Ça pouvait constituer certains problèmes et les religions s'organisaient vibratoirement pour clairer ces problèmes-là. On a de moins en moins de possession pour la simple raison que l'humain est capable d'assimiler cette possession. Lorsqu'une personne meurt et qu'elle fait partie de mon esprit, je sens qu'il se passe de quoi c'est chez moi. Je suis plus manipulable, je suis plus astralisé, j'ai une terrestrification, un down, dans le terme québécois. Et on revient et ça remarche. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'une personne absorbe. Plus l'humain est conscientisé, plus l'humain le sait. Il vient un temps où l'humain sait. Présentement, ne vous leurrez pas. Si vous êtes venu à la conférence ce soir, vous n'avez pas suffisamment de savoir pour savoir quand vous absorbez quelqu'un ou non. Égoïquement, l'humain pourrait se dire, bon, je me sens down, là, fait que, hey, c'est parce que j'évolue, là, je commence à absorber du monde, là, je sais pas c'est qui est mort, là, mais ça, c'est le piège de l'ego. Celui qui fait ça a plus d'ego, plus d'orgueil, donc est collectif. S'il est collectif, il absorbe personne. Il se fera absorber à un moment donné. Fais attention. Autrement dit, c'est que j'explique une mécanique, mais c'est pas important que vous le viviez ou non. J'explique des choses. Celui qui se conscientise, qui a de plus en plus de conscience individuelle et qui vit des rechutes, c'est pas celui qui commence la conscientisation. Celui qui commence à être transitif, c'est normal qu'il vive des rechutes, qu'il se bat contre lui-même. Celui qui, à un moment donné, devient lucide, devient suffisamment mental, non plus intellectuel. Celui qui est capable de comprendre des mécanismes, mais à un moment donné, on dirait qu'il a de la difficulté à les comprendre, mais lui, il le sait. Lui, il sait, il se demande qu'est-ce qui se passe. C'est ça, c'est éclairé, puis maintenant, on dirait que ça me refait quoi? Oui, ça te refait de quoi? Parce que tu viens d'absorber quelqu'un qui vivait cet état. Et ça va te refaire de quoi? Pas tellement longtemps, puis à un moment donné, tu recommences. Celui qui se conscientise peut en arriver à être extrêmement malade à un moment donné s'il n'a pas la puissance d'absorption nécessaire. Et ça, certains d'entre vous ne connaissent pas cela. Par contre, d'autres savent très bien de quoi je veux parler. Et c'est ce qui se passe. Et plus ça va aller, moins il y aura de réincarnation. Parce qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont pénétrer le monde des morts. Et moins il y aura de réincarnation, moins il sera nécessaire de créer des corps physiques. Et évidemment, il y aura de moins en moins de naissances. C'est commencé. Ça ne fait que commencer, mais c'est commencé. Il y a moins de corps physique. Alors les pauvres âmes qui meurent, comment ils vont se réincarner? Ils ne se réincarnent pas, vous les absorbez. Alors, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait moins de naissances, il n'y a pas de problème. Les personnes qui meurent sont absorbées, donc ils n'ont pas besoin de se réincarner, ils restent vivants. Ils ne savent pas. Ils restent vivants. Est-ce qu'une personne qu'on dit schizophrène serait un adulte enfant qui n'aurait pas encore atteint l'adolescence? Oui, oui. On peut extrêmement bien dire ça dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, parce qu'il y a quand même des cas de possession. La schizophrénie étant une forme de possession. Quoique plusieurs des cas, la majorité des cas, c'est effectivement une pluralisation fusionnelle qui n'a pas été complétée chez l'individu qui évoluait. Donc, la personne se ramasse avec différentes personnalités et elle projette différentes personnalités à l'extérieur. La personnalité la plus forte voudra lutter contre les personnalités intérieures, projeter à l'extérieur. Alors, elle se crée un monde qui la rend malade. Elle a peur, elle fuit, elle se rend à l'intérieur. Elle se crée des mondes où il y a différentes personnes. Toutes ces personnalités qui se projettent, c'est un enfant qui n'a pas fusionné à l'adolescence, ses personnalités réincarnatives, et elle continue à les vivre une fois adulte, dans la majorité des cas. Certaines écoles de pensée ésotérique affirment que par la sexualité, nous pouvons nous conscientiser pour devenir un être véritable. Qu'en penses-tu? Bon, j'ai parlé souvent du tantrisme, de cette sexualité. Il y a de cela quelques milliers d'années, aller jusqu'à 1000 ans, la sexualité était la forme majeure d'évolution de l'humain parce qu'elle obligeait l'humain à absorber l'ego, à la transformer en énergie vitale. Et l'excès d'énergie vitale était transporté par la colonne vertébrale, en réalité par les méridiens qui cheminent le long de la colonne vertébrale, vers le centre laryngé et le cerveau, permettant l'expression d'une parole plus ajustée et permettant la mutation neurologique ou neuronique du cerveau. Cela permettait à l'humain d'arriver à entrer en contact avec l'intelligence supramentale. Aujourd'hui, par la génétique évolutive, tous les humains qui sont ici présents et qui sont à l'échelle nord planétaire n'ont plus besoin de la sexualité tantrique, n'ont plus besoin, ne peuvent plus évoluer par la sexualité, pour la simple raison que la génétique a donné à l'humain l'hérédité, la transmission génétique héréditaire a donné à chacun d'entre les humains le cerveau et le centre laryngé, et la sexualité ne peut pas l'améliorer plus qu'il l'est déjà. Pendant que l'évolution a été du bas vers le haut, au cours de ces milliers d'années, l'évolution présente se fait du haut vers le bas. Donc, elle ne se fait pas de la tête vers le centre sacré. Elle se fait des plans extraterrestres, donc des plans extraplanétaires, de l'intelligence supramentale qui n'est pas terrestrifiée, qui n'a pas été planétarisée, vers l'humain. La sexualité, ce que j'en pense, au niveau évolutif, ça n'a plus d'utilité sur le plan planétaire, ça devient un amusement, ça devient une répétition de traditions qui, à l'origine, ont permis à l'humain d'évoluer. Et au nom du fait que ça a permis à l'humanité de l'époque d'évoluer, on veut la conserver parce qu'on pense qu'elle va encore nous permettre d'évoluer. Elle ne permet plus à l'humain d'évoluer, elle le retarde. La sexualité tantrice retarde l'humain présentement dans son évolution pour la simple raison qu'il se fie toujours sur une technique ancestrale alors que l'humain est un être plus ou moins nouveau qui a besoin de techniques nouvelles pour pouvoir poursuivre son évolution. Ce que cette technique devait apporter à l'humanité, eh bien, vous en êtes la représentation, elle l'a apporté. Elle n'apportera plus rien d'autre. À propos de la mort, le corps se désintègre, l'âme et l'ego deviennent une espèce de fondu suisse, j'aime ça. Mais l'esprit est-il éternel ou est-ce qu'il devient lui aussi une partie de cette fondue suisse? Bon. L'esprit n'est pas éternel pour la simple raison que l'esprit n'est pas confronté ou confondu dans un espace-temps psychologique créé par l'humain qui s'identifie à lui. L'esprit est existentiel, il n'est pas expérientiel, donc l'esprit n'a pas besoin de mémoire pour expérimenter et se rappeler. L'esprit n'a pas besoin de connaissances, donc l'esprit ne vit pas dans le temps, tel que la psychologie humaine, tel que l'âme le fait. L'âme vivant dans le temps, l'âme se mémorise. Se mémorisant, elle s'identifie. S'identifiant, elle se cristallise. Et elle meurt. Le corps, l'âme et l'ego. Bon, l'âme est la centralisation, l'ego est la centralisation de l'âme. Cette fondue suisse, effectivement, cette fondue suisse n'est pas tout à fait suisse en ce sens que tout est bien séparé. Tout ce qui est similaire se relie et tout ce qui est différent est séparé. Alors, ça crée des humains qui naissent de plus en plus violents ou de plus en plus pacifiques. Ça crée une évolution. Et ce qui est de plus en plus violent et de plus en plus bas en vibration, étant de plus en plus bas en vibration, À la longue, il finit par être absorbé par la vitalité planétaire. Alors, l'humanité ne peut pas naître de plus en plus violente. Elle ne peut naître que de plus en plus pacifique. Même si on se dirige de plus en plus vers des guerres, ce n'est pas parce que l'humanité est violente. Ce n'est plus les mêmes raisons qui nous portent à faire la guerre. Il y a eu des guerres à l'époque qui étaient originées. Pourquoi? Par la violence, par le désir de tuer, par le désir d'être puissant, par le désir d'écraser l'ennemi. Aujourd'hui et prochainement, on va se battre parce qu'on a peur. Pas parce qu'on veut être les meilleurs. Parce qu'on a peur. L'humanité est de plus en plus pacifiste. Et étant donné qu'elle a peur de perdre la paix, elle est de plus en plus prête à faire une guerre. Tandis que dans l'Antiquité, l'humanité était guerrière. Elle se battait. Elle se vengeait. On avait le droit, pour sauver l'honneur, l'orgueil, de tuer. Et puis aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Alors l'humanité naît de plus en plus pacifique. Ça n'empêche pas les guerres. Les raisons fondamentales des guerres changent. Et la fondue suisse n'est pas comme telle une fondue suisse. Les choses sont séparées. L'esprit n'est pas éternel. L'esprit n'est pas immortel. L'esprit n'est pas éternel, mais il est immortel. Il y a une maudite nuance. Plusieurs questions qui concernent le physique en rapport avec l'âme, bon, des problèmes de psychosomatique. Je ne sais pas si je nourris trop mon corps physique pour nourrir mon ego ou si c'est le contraire, mais j'ai un problème d'embonpoint. Comment arriver à nourrir intelligemment l'un et ne plus nourrir l'autre? J'en suis venu à freiner mon cheminement. Je me suis créé des blocages et j'ai l'impression d'avoir été mise sur le hold en attente. Je veux en sortir. Bon. Est-ce que tu as d'autres questions sur la réincarnation? Non, pas véritablement. Ce sont des questions auxquelles tu as répondu à ta première. Bon. Le fait, évidemment, de nourrir sa psychologie fait engraisser le corps physique. Tout le monde sait ça. Lorsque l'humain s'identifie dans son corps physique, il peut s'identifier soit à la forme, à l'onde de forme dégagée par le corps physique. Et si l'onde de forme ne lui plaît pas, il va donc se vêtir. Il va se maquiller. Il va se coiffer. Il va se grandir en mettant les souliers talons hauts. Il va faire des choses. S'il s'identifie à la sensation, donc au sens du corps physique, alors là, il ne s'habillera peut-être pas nécessairement très joli. Il ne se coiffera peut-être pas d'une façon catastrophique. Il ne se prendra pas le visage pour un tableau de peinture. Mais par contre, s'identifiant à la sensation du corps physique, il va rechercher la jouissance physique, la jouissance sensorielle. Le fait de manger nourrit le sens gustatif, le sens péristaltique, et automatiquement, cela va amener de la nourriture à l'ego. L'ego va donc savoir qu'il vit parce qu'il est nourri, parce qu'il perçoit la vibration. Étant donné que l'humain se fout un peu de son corps physique, mais s'identifie beaucoup plus au sens, il va donc manger, parce que mangeant, il vit. Évidemment, il va prendre conscience que le corps physique grossit, que le corps physique devient de moins en moins malléable. Mais ce n'a pas d'importance parce qu'il ne s'identifie pas à l'onde de forme du corps physique, mais il s'identifie plutôt à ce qu'il sent par l'intermédiaire du corps physique. Les tentacules de votre ego, les tentacules de l'astral, les tentacules de l'âme chez l'individu sont les sens physiques. Et par l'intermédiaire des sens physiques, il accumule de la mémoire. Si on coupe vos sens physiques, vous n'existez plus. Vous allez avoir une conscience qui ne pourra plus accumuler de connaissances. Les tentacules auront été coupés. Et c'est ce qui met l'âme en contact avec la matière, c'est l'essence de la biologie physique. Lorsque l'humain s'identifie à ce qu'il sent, à ce qu'il goûte, pour avoir l'impression qu'il vit, il grossit. Lorsque l'humain s'identifie à la forme visuelle physique, pour avoir l'impression qu'il vit, il maigrit. Alors, il faut identifier dans l'un ou dans l'autre. On a des techniques de maigrissement qui disent que, regardez-vous, trouvez-vous laide. Lorsque vous serez suffisamment laid, vous allez commencer à maigrir. Il y a un problème qui se pose, c'est que ça marche pour beaucoup d'individus. Maigrir par esthétique. Maigrir pour que les hommes vous retrouvent belle. Maigrir pour que les femmes vous retrouvent beau. Oui, c'est esthétique. Sauf que lorsque la psychologie astrale reste fondamentalement axée sur la gustation, et qu'en même temps on crée le concept de l'esthétique, on ne maigrit pas, mais on devient malheureux en maudit. Alors l'humain, pour arriver à régler ce problème, cette solution doit prendre patience, doit tolérer l'embonpoint, doit intelligencer le fait qu'un corps physique en parfait état, ça va aider, et surtout, doit bloquer l'identification de son âme à la gustation de son corps pour que cette âme s'identifie dans quelque chose d'autre. Maintenant, il y a des problèmes. Plus l'estomac est gros, plus l'estomac a besoin d'être rempli pour avoir le feeling qu'il est plein. Étant donné que le cerveau de l'humain marche à retardement parce qu'il est coloré par la psychologie, lorsque l'estomac est plein, 15 ou 20 minutes après, le cerveau le sait. Alors, on peut manger en maudit avant d'avoir l'impression qu'on est plein. Et c'est le problème pour la majorité des humains. Ils mangent trop. Celui qui a un système excréteur en bon état n'engraisse pas trop, mais il mange quand même trop. En vieille. Maudit mécanisme réflexe qui peut être développé héréditairement, donc une évolution un petit peu manquée. Ce n'est pas le temps. Lorsque l'humain, par réflexe, est capable d'absorber l'énergie vitale et la transformer en nourriture physique. Lorsque l'humain est capable d'engraisser juste à regarder de l'aliment. Lorsque l'humain engraisse juste à voir une photo. Il y a des humains qui engraissent comme ça. Alors, lorsque l'humain engraisse juste à penser à manger, c'est qu'il absorbe l'énergie vitale contenue dans l'air, par la peau, par la respiration, et il la transforme en gras. Ça engraisse pas vite, mais ça permet à celui-là de suivre un régime et de ne pas maigrir. Lorsque vous suivez un régime pendant 6 mois et que vous ne maigrissez pas, ou bien vous trichez, ou bien vous transformez votre énergie vitale extérieure en gras. Et ça devient un maudit problème pour celui qui vit cela pour la simple raison que même s'il jeûne, il ne maigrit pas. Et il y en a du monde comme ça. Pas gros, une chance. Pas gros, ouais, c'est le cas de dire. La solution, je ne peux pas la donner comme ça parce que ça dépend de l'individu. La personne devra faire un travail majeur sur elle. Elle a un problème de poids. Elle a un gros problème dans tous les sens des mots. Et elle devra finir par « je ne veux pas répondre ». Si je dis des choses, la personne va les interpréter et ce ne sera pas complet et elle risque d'être un peu malheureuse. Elle devra finir par ne plus aimer manger. Ça va vouloir dire quoi? L'anorexie mentale? Non, c'est pas ça que je veux dire. Elle devra finir par mettre son identification dans d'autres choses. Dans quoi? Dans l'esthétique. Si ça marche, tant mieux. Mais encore là, elle ne fait pas un travail évolutif, elle transpose un problème. Est-ce que le problème de l'embonpoint est un problème réellement nuisible dans sa conscientisation? C'est la première chose qu'elle devra savoir. C'est bien évident que ça nuit à certaines choses, mais est-ce que ça nuit suffisamment, pour l'instant, pour bloquer l'évolution ou l'amélioration de l'individu en focalisant toutes les énergies vers la fonte du gras? Et ça, faut comprendre. Est-ce que cela veut dire que si la personne se laisse comme elle est et qu'il y a quelques petites choses qu'elle ne peut pas faire, mais qu'elle se laisse faire le reste, elle évoluera peut-être suffisamment pour qu'à un moment donné, la graisse tombe par elle-même? Il faut qu'elle sache. Et ça, c'est une question qu'elle doit elle-même se poser. C'est la même chose pour la cigarette, c'est la même chose pour la masturbation, c'est la même chose pour n'importe quoi. On veut arrêter pour des raisons. Mais est-ce que cela n'est pas une possibilité d'exprimer l'énergie en trop, nous permettant d'être libre pour le reste? Et lorsqu'on veut bloquer ça, on vient fou. Il faut observer. Observer. Il y a des raisons intelligentes. Des fois. Alors, la personne, qu'elle se remette en question et qu'elle observe si son embonpoint lui nuit plus que la lutte contre l'embonpoint. Premièrement. Alors, elle saura si elle laisse faire l'embonpoint pour continuer son évolution ou si elle met encore plus d'énergie. Elle se pose la question. Quel rapport il peut y avoir entre le végétarisme et le développement de l'enveloppe de l'âme, par exemple? Être végétarien, c'est une bonne chose. Maintenant, l'humanité devra être végétarien. La majorité des humains devront être végétariens dans 10 ans, 15 ans d'ici. Pas de suite, pas le temps. Tous les peuples végétariens sont des peuples pacifiques. Mais c'est faux. Tous les peuples végétariens sont des peuples d'apparence pacifique. Tous les peuples végétariens sont des peuples d'esclaves. Tous les peuples végétariens sont des peuples qui n'ont pas de conscience mentale. Tous les peuples végétariens sont des peuples involués. Il est bien évident que le fait d'être omnivore, de manger de la viande, amène l'humain à être plus violent. amène plus d'ego dans l'humain. C'est sûr, ça va de soi, c'est évident. Et c'est au nom de l'évolution spirituelle gérée par le plan du ciel, donc par le monde manipulateur de l'astral, que l'humain essaie d'être végétarien. Plus vous aurez d'ego, plus vous aurez d'orgueil. Et plus vous aurez de ce que l'humanité pacifique appelle des défauts. Plus vous serez yark. Sauf que plus vous serez yark, plus vous aurez de désir. Plus vous aurez de désir, plus vous aurez de frustration. Plus vous aurez de frustration, plus vous voudrez de plus en avoir. Et vous aurez des désirs. Alors vous allez laisser naître chez vous l'intellect. Et l'intellect essaiera d'intelligencer vos mémoires de façon à satisfaire vos désirs. Et l'intellect apprendra lui aussi à ses dépens que ça ne marche pas comme ça. Alors naîtra l'énergie mentale. Et lorsque le mental va naître, l'énergie mentale va vous permettre d'entrer en contact avec l'énergie supramentale qui n'est pas régie par le plan mémoriel expérientiel de votre vie. Alors là, ça sera le temps d'être végétarien. Alors là, maintenant que l'ego aura grandi suffisamment pour porter votre tête là où elle doit être portée, l'ego pourra mourir. Le fait d'être végétarien détruit l'ego. Le fait d'être végétarien réduit l'âme. Le fait d'être végétarien sans corps mental amène l'humain vers l'animal, vers l'herbivore, vers le cheval, la vache, la chèvre, le chevreuil. Et celui qui dominera le monde du cheval, du chevreuil, du cerf, du bison, de l'éléphant, sera le carnivore. Ce sera l'omnivore. L'intelligence ne naît que chez celui qui mange de la viande. Il souffrira la maladie, il souffrira ceci et cela, mais cela l'obligera à désirer autre chose. Tandis que le végétarien est un être qui accepte. Le carnivore est un être qui tolère et il veut le changement. Et lorsque l'énergie mentale est suffisamment développée chez l'humain, l'humain n'a plus besoin de ses mémoires, l'humain perd la peur. L'humain perd tout ce qui est appelé défaut. L'humain n'est plus yark. Alors, à ce moment-là, et exclusivement à ce moment-là, sauf pour raison de santé, l'humain doit devenir végétarien. Mais il y a une chose, c'est que l'humain va simplement, naturellement, tout seul, comme ça, sans philosophie, sans morale, devenir végétarien. Pas pour être végétarien. Parce que il va devenir végétarien. Lorsque le têtard dans l'eau sort et qu'il décide de respirer de l'air pour devenir grenouille, ben, ça se fait tout seul, comme ça. Et c'est comme ça que l'humain va devenir végétarien. Tandis que présentement, la grande majorité des végétariens le sont devenus par conception, par conceptualisation, par spéculation, par philosophie, par morale, et pas par nécessité évolutive. Certains végétariens deviennent sensibles, très spirituels, très sensibles. Ils mangeraient juste un œuf de temps en temps ou un peu plus de viande. Et puis, ça trouverait mauditement mieux. Et s'ils ont un corps très purifié, ce n'est pas parce qu'ils vont manger un peu de viande à un moment donné qu'ils vont avoir un corps tout défait. Parce que si c'est ça, ils ont un corps encore plus défait que celui qui mange la viande. Quand le corps ne résiste plus, il y a un problème. Celui qui a un régime lacto-végétarien, qui boit du lait, qui accepte les œufs, qui mange des légumes, a un avantage sur le végétarien pur. Et celui qui vit un régime omnivore, qui mange des légumes et des fruits et de la viande, a un avantage sur le lacto-végétarien. Le jeûne, c'est bon, ça nettoie. Être végétarien, c'est bon, ça nettoie. Chaque végétarien qui vit des problèmes d'évolution devrait manger de la viande, il réglerait carrément ses problèmes d'évolution. Pas manger de la viande tout le temps. Celui qui est végétarien, il y en a ici qui sont végétariens. Je le sais, ça se sent. Puis moins que les autres. Bon. Sauf que celui qui est végétarien a une tendance innée à être plus têteux en énergie. Il est plus spirituel. Il veut aider l'humanité. Il veut toucher l'humanité. C'est pas, il veut toucher. Il a besoin d'amour, il a besoin d'affection. Il est plus têteux en énergie, il devient un vampire. Pourquoi? Parce que l'ego qu'il ne ramasse pas dans le sang de la viande qu'il mange, il l'apprend ailleurs. Il en a besoin. Et c'est normal. Le fait d'être végétarien peut-il aider à épaissir l'enveloppe de l'âme dans le but de s'individualiser? Le fait d'être végétarien n'épaissit pas l'enveloppe de l'âme. Parce que regardez ceci, plus vous êtes végétarien, plus vous allez avoir un corps physique en bon état. Parce que vous allez avoir plus d'énergie vitale. Et c'est pourquoi il faut être végétarien de temps en temps. Il nous faut de l'énergie vitale. Et quand je parle végétarien pour l'énergie vitale, je parle de trucs non cuits. Ça va de soi. Je parle de trucs vivants. Bon. Et comme je dis en séminaire de temps en temps, si vous voulez ne pas manger des légumes et des fruits vivants, et vous voulez manger de la viande, bien mangez-la vivante. Là, au moins, vous allez ramasser l'énergie vitale. Tu ne l'as pas, faites-la pas que mangez-la vivante. Maintenant, le végétarien, il ne grossit pas son enveloppe de l'âme. Il la démolit. Parce que moins on a d'égo, moins on attire. Moins on égocentrise les choses. Et moins on égocentrise les choses, moins on attire. Plus la personne est orgueilleuse, plus elle aura une enveloppe d'âme extrêmement grosse. On ne pourra même pas lui dire « t'es cave ». Ça va la faire sauter. Elle va lutter. Et pour avoir une enveloppe d'âme grosse, elle va prendre l'énergie vitale de son corps physique, donc elle va rendre son corps physique malade. Celui qui est omnivore, qui mange des légumes, des fruits, de la viande, celui qui se conscientise doit et va avoir une enveloppe vitale juste suffisamment puissante pour ne pas être facilement manipulé par tout le monde, pour ne pas être trop sensible. Tu rentres dans le métro, tu sors down, tout le monde t'est down. Tu rentres dans le métro, tu sors up, tout le monde t'est up. Mais t'es pas toi! Tu dépends carrément de l'ambiance extérieure, alors tu as une enveloppe d'âme trop minime. C'est pas grave, à un moment donné, ça va vous faire chier assez que vous allez la grossir. Bon. Ah oui, vous allez être suffisamment maudit, vous allez être égoïsé, vous voudrez plus, ça va grossir tout seul. Tout de même, ça fonctionne. Celui qui est végétarien n'a pas assez d'égocentricité, donc il diminue son enveloppe d'âme, donc il devient spirituel, donc il devient sensible, donc il devient souffrant. Il souffre de voir les autres souffrir, etc., etc. Manger de la viande grossit l'enveloppe. Manger des légumes baisse l'enveloppe. Manger que de la viande crée un égo extrêmement puissant qui vivra dans un corps extrêmement malade. Manger les deux est un juste milieu. Maintenant, le juste milieu que moi, je peux vous prêcher, si on vous me passe l'expression, c'est votre juste milieu. Mangez de la viande et mangez des légumes et trouvez ce qui vous va. Alors, certains mangeront un steak une fois par mois et le reste du temps seront végétariens. Certains boufferont un steak une fois par jour et le reste du temps seront végétariens. Certains boufferont de la viande tous les repas. Ça dépend. Expérimentez-le vu que vous n'avez pas la possibilité de savoir. Et ajustez-vous à un régime qui vous convient. Et plantez-vous une chose dans la tête, c'est que dans 6 mois, il faudra recommencer. Le régime que vous allez vous instaurer va vous permettre une évolution. Et plus vous allez évoluer, plus votre régime devra changer. Vous ne choisissez pas un régime pour la vie. Celui qui est végétarien un jour devra manger que des pommes, s'il y a juste les pommes qui lui vont. Ou il mangera avec des bananes. On dira que c'est un singe. Parfait. Mais il devra ajuster son régime à ce qu'il a besoin. Tandis que la majorité de ceux qui présentement sont végétariens l'ont fait par philosophie. Et on ne fait pas une chose par philosophie, on fait une chose parce que ça nous va. J'ai connu beaucoup de végétariens et philosophes qui faisaient presque de la lévitation. Ça, ils faisaient dans les airs. Corporellement, c'est normal, mesurait 6 pieds, pesait 52 livres. Il fallait qu'ils passent 2 fois devant le soleil pour faire de l'ombre. Alors, hein? Son pyjama oreiller avait une rayure. C'est pas gros. J'ai retrouvé quelques questions là, qui étaient sous mon carnet. Les personnes qui viennent au monde handicapées, quel est le rapport avec les lois de réincarnation, etc.? Bon. La personne qui vient au monde handicapée assume un karma. Elle assume un karma collectif qui est tout à fait généré par la société dans laquelle elle vient au monde. Lorsqu'un enfant naît handicapé, il naît physiquement handicapé parce que la génétique héréditaire de ses parents crée un corps handicapé. La génétique héréditaire, c'est le karma collectif des vies antérieures. Mais ça ne regarde pas l'enfant. Si l'enfant vient au monde est handicapé par des médicaments comme la thalidomide, c'est le karma de notre société. Ce n'est pas le karma de l'enfant. Il assume le karma collectif parce que, étant donné qu'il est un être humain collectif, il évolue collectivement. Regardez ceci. Vous êtes des frères et des sœurs en esprit. Donc, vous allez à un moment donné tout être récupéré dans un corps. Mais en attendant, pour qu'un tel puisse évoluer convenablement, le karma de tous ses frères et sœurs devra être assumé par un autre. Alors lui naît en pleine forme avec des bons muscles, une bonne tête, et sa correspondance espritique naît avec un bras en moins, un peu débile, il va payer du karma pour permettre à l'autre de fonctionner. Dans une famille, on a un intelligent, un peu moins, un ici, un qui évolue, l'autre qui, c'est normal. Certains des enfants de la famille absorbent un karma pour permettre à l'autre de fonctionner. Et c'est pas triste, c'est pas plate, c'est pas injuste, c'est parfaitement parfait. Parce que celui qui marche, lorsqu'il va réussir à faire le trou, va absorber les autres. Mais pour permettre à celui-là de monter, ben, il y en a qui font telle chose. Dans une communauté, il y en a qui nettoient les toilettes, il y en a qui cultivent, puis il y en a qui sont dans le bureau puis qui gèrent. C'est pas? Si tout le monde est dans les chiottes à nettoyer, ben, quand il va manquer de papier, personne ne va penser à en acheter. Alors, ça va créer des problèmes très emmerdants. Celui qui, dans une société ou celui qui, dans une famille, donc celui qui, dans l'humanité, monte, va bien, fonctionne, a tout, cela lui est permis par l'autre qui n'a rien. Pourquoi pensez-vous que dans notre contexte nord-planétaire, on fonctionne si bien, tandis que le contexte sud-planétaire est si démoli, si guerroyant, si sous-développé, si en famine, si mal organisé, si défaite? Pourquoi la Terre tremble d'un pays comme ça? Pourquoi il y a des famines, des épidémies, des sauterelles, des maladies vénériennes partent, des maladies comme le sida partent de régions sud-planétaires? Pourquoi, etc., etc., etc. En passant, le sida et ces maladies-là sont des maladies qui vont permettre le fusionnement de certaines personnes. Lorsque l'humain veut procréer, on va le stériliser. S'il ne stérilise pas l'humain, la nature va le stériliser parce que de toute façon, il devrait y avoir de moins en moins d'enfants. Bon. Le sud de notre planète vit d'une certaine façon pour permettre au nord de la planète de pouvoir vivre d'une autre façon. Nous, on a du pétrole, mais dans les pays producteurs de pétrole, ils ont des maudits problèmes que nous, on ne connaît pas. Alors, on va brailler contre les Américains, contre les Russes, contre les Chinois, contre les pays capitalistes. La Russie, c'est un capitaliste d'État. Alors, ils sont capitalistes. Tandis que nous, c'est un capitaliste de population. Mais c'est la même chose. Les pays capitalistes capitalisent les pays qui ne le sont pas. Alors, évidemment, on a des industries dans ces pays-là, on crée un petit peu d'emplois, on n'exploite pas, parce que tout ce qu'on exploite chez eux, si on leur laisse, s'en servent pas. Alors, on n'exploite pas. C'est normal que cette planète soit divisée en deux parties antagonistes, et l'une des grosses parties permet à l'autre partie d'être bien. Vous avez tout ce que vous avez aujourd'hui, parce que dans d'autres pays, on ne l'a pas. Et lorsque l'humain veut faire en sorte que tous les pays aient la même chose, lorsqu'on a bâti des maisons au pôle Nord, chez les Inuits, ben, ils ont monté le tente dedans. Puis la majorité ont défait les maisons pour faire du feu de camp dehors l'hiver pour se réchauffer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de nos foutues maisons. Oh, c'est sûr que maintenant qu'on les colore régulièrement, qu'on les met à la télévision, ah, ils boivent en sacrableu. Ils doivent se saouler la gueule. Parce que si ça ne saoule pas la gueule, ils deviennent Inuits. S'ils sont Inuits, ben, il ne reste pas une nuit Inuit. Alors, ils saoulent la gueule pour redevenir, parce que là, il y a des skidous, il y a la télévision, il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des ports, il y a tout ça. Ou c'est qui ton enfant, là, qui s'est cassé un bras, il est rendu à Sainte-Justine? C'est où, c'est Sainte-Justine, en Inuit? Je sais pas, mais quand il part de Fort Chimo pour venir à Sainte-Justine, ben, c'est ça, là. L'Inuit, il peut plus être Inuit. Alors, il doit boire, se saouler la gueule, parce qu'il doit être autre chose. Et tous les peuples qui doivent être assimilés, s'ils refusent l'assimilation, doivent se saouler la gueule. Et c'est ce qu'ils ont fait. Partout où on a un peuple qui doit s'être assimilé, il devient un peuple d'ivrogne et d'alcoolique. Que ce soit nos Amérindiens, que ce soit les Inuits, c'est la même chose. Ils ont besoin de se saouler la gueule pour oublier ce qu'ils sont, pour essayer d'être autre chose. Et lentement, ils le deviennent. Et c'est normal. Mais on leur bâtit des choses, ils n'en veulent pas. Moi, j'ai visité différents pays sous-développés de la planète et même des pays en voie de sous-développement. Et dans ces régions, lorsqu'on donne quelque chose, il y a une affaire avec. Vous leur donnez une batterie, la batterie, ils la conservent. C'est important, une batterie, ça fait marcher une flashlight. Mais là, pourquoi ils ne s'en servent pas? Bien, parce que s'ils s'en servent, ils l'auront plus, ils préfèrent la garder puis pas s'en servir. Bon, et c'est normal. C'est tout à fait normal. J'ai visité une tribu qui avait été pacifiée par le gouvernement pérouvien. Une tribu amazonienne, qui à l'origine chassait avec une sarbacane et avec une espèce de poison qui portait le nom de curare. Et aujourd'hui, ils chassent encore le vrai singe, ils ne chassent plus les gars de l'armée. Et lorsqu'on va là, ben, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui a une espèce de robe en paillasse, avec un chandail Adidas. Bon, ça se promène nu-pied en bas, ou en souliers pas de bas. Et ils sont assis tout habillés correct encore avec leurs poings, et ça boit quoi? Ça boit de, c'est pas de l'Inca Cola, c'est du Pepsi Cola. Et oui, ils sont mélangés comme ça. Alors, ça fait quoi comme peuplade? Ben, ça fait une peuplade tout à fait bizarre. Et on ne peut pas civiliser. Comment ils vont se civiliser? Lentement, ils vont finir par disparaître. Et ils vont renaître dans la civilisation. On ne doit pas les tuer, parce que tant qu'ils sont vivants, ils constituent une expérience évolutive à l'échelle de la planète, soit parce qu'ils absorbent un karma collectif qui nous permet à nous d'être un peu mieux, mais même si on tripe égoïquement d'être mieux, on n'est pas mieux pour triper égoïquement, on est mieux pour pouvoir développer notre conscience mentale. Et à un moment donné, on pourra s'occuper de la planète. Comment? Pas en allant dans les pays où ils ont des problèmes, ça, il faut continuer à le faire, c'est sûr, ça ne sert à rien, mais on le fait pareil. Mais ça permet des choses. Mais à un moment donné, ces êtres humains vont naître avec nous. Pourquoi l'Afghanistan se fait accrocher? Pourquoi tous les pays ont des difficultés? Pourquoi il y a des guerres régulières? Pourquoi l'Inde a des problèmes? Regardez ce qu'a fait le Mahatma Gandhi. Il a pris les Anglais et les a foutus chez eux. Il a pris les Sikhs et il les a réconciliés avec les Hindous. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, les Boeing d'Air India sautent un peu partout. On arrête les Sikhs. Il y a des attentats à la bombe. Qu'est-ce qu'il a fait, Gandhi? Il a fait quelque chose qui, présentement, en fin de compte, ne paraît pas avoir été fait. À part le fait qu'il a expulsé les Anglais, puis encore, c'est très, très, très british, encore, l'Inde. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne civilise pas un peuple et on ne le tue pas non plus. Ça se fait naturellement. On ne peut pas prendre... Il faut absolument comprendre que c'est juste. Regardez ceci. Si vous êtes capable, à un moment donné, vous, en tant qu'être évolutif, de vous scinder en deux et de dire, tout ce qu'il y a de mauvais chez moi, je vais le mettre dans ce parti-là. Et tout ce qu'il y a de bon, d'évolutif, d'amélioratif, je vais le mettre dans ce parti-là. Cette partie-là qui est mauvaise, elle va se taper à la tête de ses murs, elle ne saura plus où elle va aller. Mais la partie intelligente, maintenant libérée, va être capable d'aller chercher ce qu'elle a besoin. Quand elle l'aura trouvé, elle viendra chercher l'autre partie qui tape, elle viendra l'amener avec elle. Vous allez dire, c'est intelligent. Mais c'est ce que vous faites. Une partie de l'esprit qui vous anime est vous. Et l'autre partie est le gars perdu aux Indes, ou en Corée, ou un peu partout. Là où il y a de la merde et de la souffrance. Et lui absorbe cette partie-là pour vous permettre à vous d'aller vous plugger là où vous devez être plugué. Évidemment, ça vous touche de voir l'autre souffrir. Une partie de vous. C'est pas mal que ça vous touche. Celui qui n'est pas esthétiquement vous, ça ne vous touche pas. Mais quand ça vous touche, il y a une partie de vous dedans. Si vous le tuez, c'est une partie de vous que vous tuez. C'est normal. Si vous l'aidez, c'est une partie de vous que vous aidez. C'est normal. Mais est-ce que la Terre a été bâtie de façon à ce qu'on fonctionne comme ça? Je vous pose la question, c'est à vous d'y répondre. Moi, je n'y réponds pas. Mais sachez que l'handicapé, il est assumé par la société. C'est normal, il assume le karma de la société. Et les handicapés naissent pour vous permettre à vous d'être correct. Tout ce qui se passe au niveau de notre société, au niveau karma collectif, c'est pour permettre aux autres d'être bien. Et c'est normal, c'est impeccable. Je répète, si vous aviez la possibilité de vous scinder en deux pour essayer d'avoir tout ce qui est évolutif chez vous d'un côté pour pouvoir finaliser plus rapidement, et après vous allez venir chercher l'autre, vous allez me dire, ben c'est logique. Sinon, vous restez comme vous êtes, puis quand vous essayez de monter, l'autre ne veut pas, puis quand vous essayez de descendre, l'autre ne veut pas, puis vous avez des problèmes. Pour éviter ces problèmes-là, l'esprit est divisé. Alors, il y a donc des parties planétaires qui assument le karma de notre partie planétaire pour qu'on soit mieux. Et dans notre société, étant donné qu'on est quand même la grande majorité des êtres humains évolutifs qui n'ont pas encore de conscience consciente, alors évidemment, ça crée des problèmes karmiques. Donc, dans nos sociétés, on aura donc aussi des récepteurs karmiques, des handicapés, des accidentés à vie et des choses comme ça pour pouvoir assumer le karma de notre collectivité. L'alcoolique paye le karma collectif, c'est une maladie sociale. Le drogué paye le karma collectif, c'est une maladie sociale. Et toutes les formes de maladies héréditaires sont des karmas collectifs, des maladies sociales. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du phénomène de certains êtres d'exception, on va dire, tels que les Dalai Lama, les grandes autorités spirituelles aux Indes, qui de leur vivant annoncent déjà leur prochaine incarnation, qui sera le prochain Dalai Lama, où ils vont s'incarner, etc. Il y a donc une capacité chez eux de programmer, en quelque sorte, ou de découvrir à l'avance quelle sera leur incarnation. Si je connaissais leur secret, la question c'est ça. Si je connaissais leur secret, est-ce que je pourrais me réincarner, moi, en siège du bicycle pour dame? C'est une question comme ça. Hein? On discutait de ça tout à l'heure avec beaucoup d'humour. Mais il reste néanmoins qu'il y a des gens qui annoncent leur incarnation future à l'avance. C'est quoi le phénomène? Bon, le phénomène des Dalai Lama, entre autres. Dalai Lama, c'est le chef de la religion bouddhique tibétaine en Chine. Il siège normalement à Lhasa, capitale du Tibet. Ça, c'est quand il n'y a pas trop de guerre, puis quand on ne veut pas le tuer, alors quand il n'est pas toujours en visite à Paris ou ailleurs. Le Dalai Lama a été l'un des rares personnages à annoncer justement sa réincarnation et à, disons, à donner à l'humanité les preuves qu'il se réincarnait. De quelle façon il se réincarnait, de quelle façon il voyait, le Dalai Lama annonçait qu'il était pour mourir et il ne disait pas qu'il était pour naître dans telle chose. Le Dalai Lama ne faisait pas cela. Par contre, lorsque le Dalai Lama était mort, les prêtres commençaient à chercher un enfant qui reconnaîtrait les choses. Donc, si on... Évidemment, le Dalai Lama laissait quelques exemples. Bon, dans tel, je vais naître dans tel comté ou dans telle place. Mais il ne disait pas, je vais m'appeler un tel, je vais naître avec tel genre de couleur d'yeux. Alors, à un moment donné, on arrivait, on prenait les choses du Dalai Lama et on faisait rentrer des enfants qui fitaient à peu près avec cela. Donc, selon l'âge, parce qu'il annonçait approximativement l'année qu'il était pour naître. Et lorsque l'enfant disait « ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est ceci, ça, c'est cela », alors on le disait, alors il reconnaît les choses du Dalai Lama, donc c'est sans doute lui. Maintenant, on pouvait aussi lui dire « il y a une chose dans telle armoire et c'est qu'est-ce qu'il y a là ?» Alors, l'enfant peut même le dire. Et là, on le reconnaissait donc, le Dalai Lama. Le fait même que, pendant longtemps, les Tibétains ont donné une consistance à la réincarnation. Les Tibétains ont été le peuple qui a gardé le plus de traditions logiques, de traditions réelles, de tout ce qui a été amené dans l'Antiquité par la transformation des races de la 4e à la 5e race mère. Les Tibétains ont été un peuple intelligent qui s'est confiné à l'extérieur parce que, un peu comme ce que Lucifer a voulu faire à un moment donné, en aidant l'humanité, et en opérant la chute de l'humanité parce qu'il s'était trompé, les Tibétains ont, à un moment donné, voulu persévérer, créer la race plus rapidement, et avec les connaissances, ils se sont retirés dans l'Himalaya, dans un endroit telluriquement absolument impeccable. Surtout que dans ces régions de l'Himalaya, on a des crevasses, on a des endroits qui permettent la vie tout à fait parfaite de certaines races de plantes qui amènent à la longue des contextes écologiques similaire au tropique, même si c'est dans le fin fond de l'Himalaya. Suite à cela, les Tibétains, aussi attirés par la bouche de la mer Terre, c'est-à-dire par un endroit relativement caverneux qui permettait d'aller au fin fond du centre de notre planète, les Tibétains ont instauré une vie là. Le seul problème, c'est que dans cette région, les Tibétains ont évidemment rencontré les habitants du Tibet, donc ces personnages qui sont devenus les maîtres, les lamas, et par la suite, donc, le Dalai Lama est l'un des dernières reliques de ce mécanisme. On parle souvent de maîtres tibétains. Sans deux autres, ces personnages ont rencontré la majorité des peuples qui étaient là. Et évidemment, par la présence, par le rayonnement de ces personnages, les peuples ont suivi. Lorsque l'on dit que les maîtres de l'humanité sont confinés dans l'Himalaya ou dans l'Agartha ou dans Shambhala, soit au pôle nord de notre planète, donc au Canada, soit dans le Tibet, dans l'Himalaya, on veut surtout faire référence, évidemment, aux 13 maîtres qui sont, on en a déjà parlé lors de la conférence des grands maîtres de les maîtres du monde, mais font référence aussi à cette race génétique qui continue continuellement à transmettre dans des corps des affinités vibratoires résonantes qui sont tout à fait typiques de la mutation entre la 4e, donc la race atlantéenne, et la race blanche, la race nord-européenne ou indo-européenne de la nôtre. À chaque transposition de race, on a de l'élite et on a évidemment la masse qui suit. Et cette élite, une partie de cette élite, a créé ce qu'on connaît au niveau du Tibet. Ceux-ci ont engendré une forme karmique, une forme égrégorienne, presque religieuse, qui permet, dans le monde des morts, de créer un réceptacle où, lorsque le Dalai Lama meurt, celui-ci se ramasse, garde à peu près la consistance de sa mémoire. Et automatiquement, cette partie du monde des morts, égrégoriennement parlant tibétaine, permet donc la réincarnation presque intrinsèque de ce Dalai Lama. Mais il n'est pas tout à fait le même, il devra apprendre à le devenir. Alors on va devoir maintenant instruire le Dalai Lama à parfaire la réincarnation. Et c'est ce que l'on veut dire par les mécanismes de réincarnation des Dalai Lama. Ce n'est pas une réincarnation individuelle dans le sens où l'homme nouveau va la connaître, quoique c'est une réincarnation qui n'est pas disons, dans le sens intellectuel, inintelligent. Peux-tu, pour terminer, résumer brièvement ce que tu as développé au sujet de l'incarnation? Bon, une chose importante. Chaque être humain qui a une conscience individuelle voit donc naître chez lui l'homme nouveau. Chaque être humain qui commence à ne plus se sentir comme tout le monde ou qui commence à ne plus se retrouver chez lui voit naître chez lui l'homme nouveau. Lorsque l'homme nouveau naît, il y a des principes, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là sont soit anti-réincarnatifs. Bouddha avait annoncé que la souffrance était le problème de l'humain et que la vie et la mort, la naissance et la mort étaient le problème de l'humain et que l'humain devait arriver à se défaire du mécanisme de la réincarnation. C'est un fait. Résumé brièvement, tout ce qui s'opère chez l'humain est perceptible. Et ce qui est de plus en plus perceptible tend à amener l'humain à une réincarnation individuelle et non plus pluralitaire. La semaine prochaine, je vais traiter de la naissance de l'homme nouveau chez vous. Alors, je crois que le résumé, on peut beaucoup plus le transposer à cette conférence, parce qu'en fin de compte, c'est qu'on a la réincarnation pluralitaire dans l'humain, qui a une conscience collective totale et intégrale, et on a l'homme transitif qui commence à découvrir qu'il est collectif, donc en partant qu'il a une conscience individuelle. Tu ne vois pas que tu es collectif, tu n'es pas individuel, ça va de soi. Et qu'est-ce qui est en train de naître chez cet homme ancien, chez cet homme transité, donc cette femme aussi? C'est l'homme nouveau. L'homme nouveau qui a toujours été recherché par l'homme ancien, qui est en train de naître. Autrement dit, ce que les religions ont toujours promis à l'humain, c'est l'homme nouveau. Et c'est ce que l'homme nouveau va atteindre.